sortaient les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles. Et si on pouvait danser comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch encore roulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, oh, oh. Si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois. Surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec Clo-Clo. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. On remettrait sur les platines Olivia et John Travolta. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo. Vous êtes sur le 107 FM. Merci d'être à l'écoute. Vous nous suivez également sur le web www.radioguémozo.eu et ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, plus de 2000 personnes ont vu la publication pour cette émission. Donc, merci à vous. Bonjour le Québec, bonjour le Maroc, bonjour la Belgique, la Suisse, l'Italie. Alors, pas encore l'Allemagne, mais peut-être que ça veut venir. Bonjour la technique, bonjour Marc. Voilà. Bonjour. Donc vous êtes avec Gilou dans les années bonheur. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le samedi 30 juin. Alors samedi, donc c'est vrai, c'est une journée inhabituelle pour moi de présenter l'émission, mais c'est avec grand plaisir. Et nous sommes ensemble de 14h à 15h30. Match de foot oblige. Donc j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios en live Tom Matis, un artiste qui nous vient de la région d'Alsace. Bonjour. Bonjour. Chanteur de charme. Alors ne changez pas de fréquence, ne vous inquiétez pas, vous serez à temps pour aller voir le match de foot, ne changez pas de fréquence, parce que nous avons un chanteur romantique, je pourrais dire comme ça, surtout pour vous mesdames. Voilà, alors avant de rejoindre Tom, un petit coucou au fan club des années bonheur. Des bisous à Nathalie Brusquin, Amélie Varvaro. Donc c'est une Italo-Alsacienne, elle va sourire, Amélie, Cassie Cassandra, ma petite agente Lynn Massé, mon ami et collègue Mado de Radio Puisalène. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur le Facebook de notre radio ainsi que sur le Facebook de Gilles Mougel officiel. Je transmettrai en direct donc à mon invité. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous appeler au 03 29 62 40 40 pour interagir. Voilà, avec Tom que je rejoins maintenant. Bonjour Tom. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Comment vas-tu Tom? Bah, très bien avec ce beau soleil. Avec ce beau soleil, c'est la France qui joue aujourd'hui. Et puis la France qui joue aujourd'hui, c'est vrai. Alors je te demande comment ça va. Bon voilà, c'est mon petit côté, une petite note d'humour, mais je dis ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. C'est vrai. Ah, c'est vrai que... On a bien déjeuné là. On a bien déjeuné, voilà, on était bien à la terrasse, au soleil. Au soleil. On va peut-être faire un petit peu de jaloux, je ne sais pas. Enfin, peu importe. Par rapport à... peu importe. Donc voilà. Alors Tom, tu nous viens de la région Alsace. Exactement. Ah, c'est bien ça, voilà. Du nord. Du nord de l'Alsace. Dans le nord. De la pointe, c'est ça. De la pointe alsacienne. Ouais, c'est-à-dire, tu peux préciser un petit peu, parce que je connais bien l'Alsace aussi. Donc, d'accord. Bah, en fait, c'est tout au nord de l'Alsace, à la frontière allemande. Donc, si vous voyez la pointe sur la carte, c'est de là où je viens, Lauterbourg, secteur Lauterbourg. D'accord, ouais. Originaire, donc. On se dit-tu, hein? Ouais, bien sûr, volontiers. Ah, d'accord. Donc... c'est là que oui du donc que tu es origine hein, voilà de cette région. Ouais, voilà. Né à Vissembourg, peut-être que certains connaissent Vissembourg. Vissembourg, oui, moi ça me parle, oui. Ouais. C'est une ville un peu plus grande et puis après il y a Haguenau qui est pas très Haguenau, loin. Oui, oui, Haguenau, et Strasbourg, Lauterbourg, c'est à 60 km au nord de Strasbourg. D'accord. Dans ces eaux-là. Okay. Alors moi je voulais te remercier. Je veux dire, donc, Tom, d'être venu dans nos studios en live. Oh, il fait chaud. Ouais, ça commence à transpirer, là, dans les studios. Donc, oui, un grand merci donc, d'être parmi nous, hein, dans le studio. C'est très sympathique. Enfin, merci à toi et à Lynn aussi. Oui, voilà. D'avoir pris contact avec moi. Donc, enfin, je dirais, c'est grâce à Lynn. C'est Lynn qui a, voilà, qui pour le premier contact, hein, et puis qui a découvert un peu ton univers. Ouais, qui a déniché ça. Oui. Ça fait toujours plaisir, c'est et vrai. Et puis comment on travaille tous les deux, forcément, voilà. Et puis qu'elle connaît mes goûts musicaux, on se connaît, on a une belle complicité. Donc voilà, on en a parlé. Notre petite équipe, tu vois. Bah, parfait. Voilà. Voilà. Donc, Tom, tu as des parents musiciens Oui, aussi. Oui, aussi, ouais, aussi. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai grandi, en fait. Si ouais, tu ouais, veux. C'est... J'ai commencé la musique parce que, bon, à la base, je suis plutôt musicien. Ouais. Alors, j'étais avec papa dans une harmonie, dans un village, quoi. Hein. Donc, lui était batteur. Et c'est vrai que quand je savais pas encore lire, quand j'étais tout petit, ben j'allais avec lui aux répétitions toutes les semaines et puis je tapais un petit peu sur les percus. C'est comme ça que j'ai commencé en fait dans la musique. Et après j'avais plusieurs étapes, donc j'ai commencé le solfège quand j'avais 5 ans à peu près. Oui. Et après le solfège j'ai commencé la clarinette. D'accord. Et la clarinette, donc c'était mon instrument principal de base. Ouais. Et par la suite, c'est vrai que j'avais toujours cet esprit de curiosité dans différents instruments. Alors c'est vrai que ma grand-mère avait encore un accordéon dans le grenier. Alors dès que je pouvais y aller, j'allais jouer de l'accordéon. Et puis je prenais une guitare, j'ai fait un peu de guitare, j'ai fait du saxophone aussi et d'accord. Du piano. Et tu as, enfin je veux dire, par la suite, ou après tu as pris de, enfin tu chantais comme ça en autodidacte ou je veux dire... Le chant est venu en fait plus tard. Le chant est venu plus tard, ouais, d'accord. Ouais, donc... Et je veux dire, pour jouer d'instruments dont tu me parlais là, ouais, c'était seul, hein, seul à part la clarinette où j'ai pris des cours, si d'accord. Tu veux, et j'ai redonné des cours par la suite à des jeunes musiciens. D'accord. Et donc ça a duré quelques années avant mes 18-19 ans, et puis les autres instruments, je les ai appris de façon en autonomie. Quoi. Oui, ouais, ouais. D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et il t'arrive de jouer, quand tu es sur un concert. Tu chantes simplement, il t'arrive des fois de t'accompagner J'accompagne aussi, donc si tu veux je fais mes concerts en effet avec le chant forcément, mais j'accompagne certains titres et j'ai composé mes titres aussi en fonction pour les accompagner soit à l'accordéon, soit à la guitare. Bon, ouais, essentiellement accordéon, guitare et piano quoi. Donc d'accord. Ça c'est les instruments principaux sur scène également qui m'accompagnent. D'accord. Alors je te propose Tom, donc on va écouter une première chanson. Ouais. Hein, donc alors j'ai choisi donc une chanson en allemand, hein, de ton album, premier album de 2013, hein, c'est bien ça. Et voilà, donc on va écouter donc un premier titre. Merci für deine Liebe. Mm-hmm. Alors si je traduis, c'est merci pour ton amour, c'est bien ça. Je exactement. Me trompe pas. Je suis bon. C'est bien. je suis meilleur en allemand qu'en anglais. Il y en a une qui va rire derrière. Mais donc c'est, je suis un petit peu mieux. Voilà. Bon, on écoute et puis on en reparle après. Merci. Parfait. Merci. Strahlend wirklich. gehen wir durch Paris. Denn dieser Tag zeigt sich voll Harmonie uns beiden. Vor Notre Dame bleiben wir leise stehen, denn ihre Glocken, sie klingen so schön, wir schweigen. Die Emotionen, die ich bei dir spür, zeigen mir jetzt deine Liebe zu mir, so ehrlich. Heute ist der Wien noch ein einziger Traum, so herrlich. Ich sag merci für deine Liebe und c'est si bon, wenn du mich küsst. Jeder neue Morgen schenkt mir Glück, weil du bei mir bist. Ich sag merci für deine Liebe. Es ist so schön, mit dir zu schuhen. Mon amour. Ich bin so glücklich, was will ich noch mehr? In meinen Arm halte ich Mamel Fleur so zärtlich. Nah an der Seine hüllt ein Windhauch uns ein. Du flüsterst Worte, die Glück prophezeien, so herzlich. Wieder zeigst du deine Liebe zu mir, so ehrlich. Ich sag merci für deine Liebe und c'est si bon, wenn du mich küsst. Jeder neue Morgen schenkt mir Glück, weil du bei mir bist. Ich sag merci für deine Liebe. Es ist so schön, mit dir zu schlucken. Denn in deinen Augen lese ich, je t'aime mon amour. Voilà. Merci für deine Liebe. Ah, c'est bien, bon. Bien dit. Merci Tom. Voilà, donc c'est un tiré donc de ton premier album. C'est ça. Donc voilà en allemand. T'as voulu comme ça tout de suite faire des chansons en allemand. T'avais fait quelque chose avant cet album. Bah avant toute cette histoire en fait, si tu veux, on s'était arrêté à l'harmonie juste avant. Après j'avais plusieurs rêves et plusieurs étapes dans la vie. Donc le rêve c'était aussi de jouer dans un orchestre de bal, hein, aux différentes festivités chez nous. Donc c'est là où j'ai eu plutôt cette culture musicale aussi. L'harmonie c'était plutôt musique de film. Etc. Et après j'ai eu la partie orchestre où c'était vraiment de la musique dansante et où c'était vraiment ce type de musique du schlager ou de la folk-musique comme on dit chez nous, pour l'animation des balles, quoi. Et donc ça me plaît et puis j'ai toujours voulu un petit peu... Voilà, c'est un amour pour la musique et une passion. C'est comme ça que j'ai construit, si tu veux, mes titres, quoi, et ma musique. Et je veux dire, bon, c'est vrai que quand, c'est vrai qu'on se répète souvent en radio. Je dis, quand tu fais les balles comme ça, tout ça, c'est une bonne école. Oui, franchement. Pour la suite, je pense, hein, pour après. Très bonne école, scénique, parce que bon, il y a quand même quand on fait du bal, il faut faire les nouveautés rapidement, donc il y a beaucoup d'apprentissage, on va dire, de la musique, et puis c'est un entraînement vocal aussi qui est très important, parce que bon, on est quand même sur scène, en dehors du montage et du démontage du matériel de la scène, mais il y a quand même 6 heures de prestation sur scène, quoi, hein, donc il faut être pendant 6 heures, on chante, on joue de la musique, donc ça fait de l'entraînement. Ça fait de l'entraînement. Ça fait de l'entraînement. Donc après, quand tu es sur sur scène, je veux dire, toi, pour, voilà, pour présenter tes chansons, donc là, c'est bien, quoi, je veux dire, après, t'es... Ouais. Il y a le... Bah, on le forme et tout, oui, ça, et puis oui. Techniquement, c'est vrai qu'on est aussi plus à l'aise, parce oui. qu'on on a ces années d'expérience-là qui nous aident après à prendre l'assurance et de la confiance en soi. Bien sûr. Alors, je vais te livrer un premier message. Ok. Donc, voilà, c'est de Lynn. Je ne sais pas qui c'est Lynn, je ne connais pas. Elle va sourire. Ça me dit quelque chose, dis donc. Alors elle me marque « Aloha, mon petit chef », parce qu'on s'appelle comme ça, c'est une petite chose comme ça entre nous, c'est sympa. « Comme promis, je suis fidèle au poste. Bonne émission, un bonjour à notre invité, aux auditeurs, à nos amis qui sont à l'écoute, Cassie, Amélie, Nathalie, Brusquin, Dany Blondeau, ma tante, et sans oublier la technique. » Voilà. Alors, message pour Tom. Ouais. Une très belle voix. Merci. Comme j'aime, un coup de foudre musical qui a frappé le Québec, lol. Ah. Voilà, coup de cœur pour vos chansons, rayons de soleil qui font du bien, ce n'est que du bonheur pour les oreilles. Félicitations pour votre bel album et bon succès. Amitié musicale. Voilà. Merci. Alors, en plus, j'adore le Québec. Alors, oui, c'est un beau pays. C'est un beau j'aime pays, beaucoup un artiste là-bas qui. Oui. Rock Oasis, on en parlait d'ailleurs. Ah, bah oui, c'est tout vrai, à on en parlait. Oui, tout à fait. Ouais. J'adore cet artiste et c'est vrai que j'aime beaucoup aussi sa musique. Et puis en soi, la mentalité du Québec est. Oui, c'est des personnes. J'adore. Très, voilà, j'ai toujours dit, moi, j'ai le premier voyage que je ferai. J'ai jamais fait de grand voyage. Ouais. je partirai au Québec et puis voilà, bon, à la limite, on pourrait faire. On va aller voir Lynn, ça voilà. nous invite gentiment. Pour nous faire une petite place dans sa caravane, elle va sourire. C'est ce que c'est. Voilà. Alors Tom, donc des émissions télévisées aussi. Ouais. Ça c'est venu donc après cet album donc dont on a écouté le titre éponyme, hein, c'est le titre éponyme. Ouais. Merci Frida et Nolib. Exactement. Donc les télévisions sont venues après. Comment ça s'est passé? Avant. Avant, en fait, d'accord. Avant. Ouais. Si tu veux, avec l'orchestre, du coup, on mettait pas mal, ou alors les spectateurs mettaient pas mal de vidéos sur le web, ouais. sur YouTube, etc. Et donc un jour, j'ai un journaliste d'une grosse radio SVR en Allemagne qui m'a écrit et qui m'a proposé, qui m'a demandé si ça me dirait de développer une carrière solo. Ouais. C'est un truc que j'avais pas forcément en tête, mais je me suis dit pourquoi pas, tiens. En Allemagne, c'est vrai que c'est un monde musical que j'aime beaucoup, les chansons je les aime, pourquoi pas essayer en Allemagne. Et donc il m'a présenté un producteur allemand qui m'a écrit un titre, Chanson d'amour in Saint-Tropez, qu'on va écouter je crois un peu plus tard. Qui est sur la playlist, celui qu'on écoutera un petit peu plus tard. Ouais. Et donc c'est avec ce titre, si tu veux, que j'ai participé à un télécrochet sur la première chaîne allemande. Oui. En 2012 c'était. Et si tu veux, c'était des votes de téléspectateurs par téléphone. Donc c'était uniquement des Allemands, Suisses ou Autrichiens qui votaient par téléphone pour l'artiste concurrent à moi, si tu veux. D'accord. Donc tant que je gagnais, j'étais dans la course. Si je perdais contre l'autre, c'était en one shot comme on dit, quoi. C'est-à-dire on sortait directement de l'émission. D'accord. Okay. Et puis j'ai gagné à 7 reprises jusqu'en finale. Bien. Et c'était la première fois. C'était un challenge pour moi. Je me suis dit, allez, on passe à une émission télé, c'est quelque chose de nouveau. Et j'aime beaucoup aussi le contact et tout. Et puis jamais j'aurais pensé que ça allait être victorieux jusqu'en finale. Bien sûr. Et puis ça s'est fait. Et puis je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont soutenu à l'époque et qui me soutiennent encore aujourd'hui, qui me suivent aussi dans tous mes projets musicaux. Il y a du monde. Un peu plus aussi depuis que j'ai sorti l'album en français. Là, c'est bien. Cool. comme j'avais dit, je m'excuse, je te coupe, mais comme tu dis, il y a du monde qui te suit, c'est très bien. Et comme j'avais dit donc dans l'intro, on a eu plus de 2000 personnes qui ont vu la publication. Donc c'est cool. Et puis il y a eu des commentaires. Voilà, ça fait plaisir en tout cas. C'est important aussi pour l'artiste en fait de se sentir soutenu et tout. Parce que c'est vrai que de nos jours, on en a parlé aussi tout à l'heure. C'est difficile. On est dans un monde où les artistes. Tout va très vite. Tous les ans, il y a des télécrochets qui amènent de nouveaux artistes et qui font oublier des anciens, etc. Bon, peu importe, c'est aujourd'hui, si vous voulez, la société musicale. Qui en général aussi, qui fonctionne comme ça. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir pour l'artiste, d'autant plus que là, je sors un album avec des propres compositions. Oui. Et quand je vois les réactions, c'est vrai que ça peut que me motiver et me donner cet amour que j'ai envie de transmettre pour ma passion. D'accord. Et puis c'est vrai que c'est bon, je veux dire, ça rentre bien dans le cadre de mon émission, comme on en a parlé aussi tout à l'heure. plus. C'est vrai que bon, les années bonheur, c'est des chansons romantiques. C'est voilà, c'est donc c'est les années bonheur. Voilà, c'est comme ça. Donc ça, ça rentre bien et d'où ben voilà le contact avec avec Lynn, avec les nos connaissances quoi ensemble quoi. Je veux dire de, ouais. de donc voilà c'est et puis ça change, ça fait du bien. Je veux dire ce style de musique hein, parce que bon tu approches ça, quand on écoute un petit peu de Franck Michael, de Frédéric François avec des sons un peu plus modernes, je pense. Hein, c'est ça. Ouais, c'est un peu cet esprit. Ouais. Cet esprit-là. Ouais. Des sons assez dynamiques quand même. Oui, assez, avec on va dire assez jeunes. Ouais. C'est vrai que ça attire un public quand même très large. Des fois, les titres uniquement en allemand ont tendance des fois à se perdre dans la France. Si ouais. tu veux, c'est vrai que ça rayonne encore en Alsace ou en Lorraine. Oui, voilà, ouais, bien sûr. Dans les Vosges, mais c'est vrai que là, avec les titres en français et avec ce style musical, j'ai essayé de me démarquer un petit peu par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui dans la musique française. C'est de la variété française, hein, et j'ai beaucoup de chance parce que finalement, ça s'exporte quand même au final, quoi. Mais c'est bien parce que je trouve qu'on en a de moins en moins, pardon, de ces belles musiques de la variété française, je trouve. On trouve de moins en moins, c'est mon avis à moi, j'assume complètement, je veux dire, mais c'est vrai que il n'y a plus de beaux textes, de belles mélodies maintenant, je veux dire. On trouve, enfin, moi, c'est ce que je pense. Mm-hmm. J'en parlais donc jeudi dernier, j'avais donc Isabelle Aubray, donc qui était avec nous jeudi, et bon, je lui avais posé la question, comme ça, elle me disait. Bon, après, c'est différent, c'est une artiste qui est là depuis des années, et puis bon, voilà, qui a inspecté des gens qui la suivent depuis de nombreuses années, quoi. Mmh. Et on parlait, elle disait, c'est plus la même époque, comme tu disais tout à l'heure, là, tout va trop vite, elle disait aussi, tout va trop vite, voilà, quoi. Mais il faut laisser à tout le monde la chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir chanter, etc. Ouais, mais bon, moi je dis, voilà, ces belles chansons, comme ça, c'est vrai qu'on en entend de moins en moins, et voilà, et c'était notre coup de foudre. Coup de foudre. Ah oui. Sur Radio Game Ozo. Et puis j'espère que bien sûr nos auditeurs, nos auditrices bien sûr vont nous suivre, et puis j'espère, je les attends au 03 29 62 40 40 pour un petit coucou. Volontiers. Hein, voilà. Alors on parlait de coup de foudre. Ouais, c'est vrai. Alors si on s'écoutait coup de foudre à Paris. Allons-y. Tom, on peut y aller. On peut y aller. Écoute. Mes yeux sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Toi, moi, les astres, le ciel autour, la tour Eiffel. Ce soir, tu me donnes des ailes, histoire d'une lune de miel. Oh, mes yeux sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles et je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Toi qui éclaires toutes mes nuits, ma flamme, seul amour, celle que j'aime à l'infini et que j'aimerais toujours. Oh, mes sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles. Je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Sont remplis d'étoiles quand tu me souris. Mon cœur te dit oui. Coup de foudre à Paris. Mes yeux sont remplis d'étoiles. Je te vois danser sous une pluie glacée. Tu me fais rêver. Voilà, coup de foudre à Paris. Donc ça, c'est sur l'album le tout dernier. Le tout dernier, hein, voilà. 1er mai. Ouais. De cette année. De cette année. D'accord, ouais. C'est encore tout frais. Tout frais. D'ailleurs, c'était le coup de foudre à Paris. C'était le tout premier titre que j'ai composé pour cet album-là. Ouais, d'accord. Et c'est comme ça que je me suis dit, allez, on y va ou on y va pas. C'était le prochain rêve en fait pour moi. C'était j'avais sorti l'album en Allemagne, ouais, avec la maison de Disco Warner du coup, ouais, ouais. En 2013. Et puis bon, après il y avait l'orchestre, ça, etc. Ouais. Il y avait comédie musicale. Je sais pas si on n'en a pas parlé encore. On n'a pas parlé de comédie musicale. Non, j'avais encore pas. J'étais pas encore. Il y avait par rapport on y vient à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et puis donc alors l'album en allemand. Donc ça dure donc 2013. Hein, c'est ça le départ. 2013. Sorti 2013. 2013. Et puis après donc il y a plus de collaboration, je dirais, avec. Après il y avait toute la partie promo, mais en Allemagne uniquement, ouais. Quoi. En France, Allemagne, c'est vrai qu'on développait pas. Oui. Ce marché-là, enfin cette musique n'atteignait pas forcément la France, oui, juste l'Alsace. Ouais, juste l'Alsace, comme tu disais tout à l'heure, oui, tout à fait. Et puis après, il y avait toujours l'orchestre où j'avais animé des dîners dansants, etc. Il y avait plus de 60 dates quand même par an. Après, il y avait le boulot, etc. Ouais, et puis, mais après, j'avais une exclusivité avec Warner pendant 4 ans. Donc pendant 4 ans, si tu veux, c'est eux qui s'occupaient un petit peu plus de la partie management plutôt de la partie promotion en Allemagne. D'accord. Donc j'ai fait pas mal de clips, d'émissions télé. Émissions télé, là-bas, ouais. D'autres, hein, sur d'autres chaînes, quoi. Il y avait des émissions radio, mais tout ça, c'était en Allemagne. Tout ça, c'était en Allemagne, ouais. Enfin, c'est quand même. C'était une très bonne école, je pense. Ah oui. Comme on en avait parlé aussi, j'ai eu l'occasion de recevoir un artiste de la région Alsace aussi, qui travaille aussi un petit peu en Allemagne et tout. Et moi, bon, il était très content aussi de il disait que c'était des gens aussi qui étaient très. C'est très pro, très carré. Après c'est vrai que c'est très très bien organisé, quoi. Oui, voilà, c'est ça, ouais, c'est même en coulisses, enfin voilà, on a notre le maquillage c'est à telle et telle heure, la répète c'est à telle et telle heure, tout est respecté, quoi. Par contre je trouve que c'est très agréable quand même pour l'artiste, parce que du coup on optimise notre temps aussi, parce que le temps souvent c'est ce qui nous manque. Oui bien sûr. C'est vrai que c'est agréable. Je veux dire, les Allemands, on a parlé un petit peu de foot tout à l'heure, mais bon, je veux dire, ils sont toujours très très très très carrés, etc. Bon, moi cette année au niveau du foot ouais. Bref, c'est comme ça. On va espérer que les notes font mieux aujourd'hui. Oui, bien sûr. C'est vrai. Donc on a parlé d'émissions de télévision, il faut dire aussi donc que tu ne fais pas que ça. Je veux dire, tu n'es pas que artiste. Tu as un travail aussi. Enfin, bon, je te demande pas. Je veux dire de. Je travaille en parallèle. En parallèle. J'ai toujours voulu en fait garder. À l'époque, c'était également mon discours et que je garde toujours aujourd'hui. Si tu veux, j'ai toujours voulu garder ma vie de famille. Oui, ça c'est la première priorité. Ensuite, il y a aussi le boulot, parce que bon, faut qu'on vive, quoi. Bien donc, sûr, il y a le boulot, et puis après, ma passion, c'est la musique, et je veux la garder comme une passion. Ouais. Parce que du coup, ça me met pas cette pression. Quand on vit de la musique, souvent, on a cette pression, d'une part financière, parce que forcément, il faut faire des concerts pour rentrer aussi de l'argent pour en vivre. Bien sûr, ce qui n'est pas évident du tout. Et puis, il y a tellement d'artistes aussi. Et, non, je veux que ça reste. Je veux pas qu'on me monopolise par des producteurs ou des managers qui me mettent la pression, si tu veux, sur ma passion. Parce que finalement, à l'époque, avec tout ce que j'ai vécu avec Warner. C'est vrai que c'était pour moi peut-être un peu trop, tu vois. Oui, oui. Bon, c'est une expérience. J'étais jeune, j'avais 23 ans, 22 ans, j'avais jamais d'expérience dans ce milieu-là. Je pensais pas que ça avait autant d'ampleur. Pour moi, je le voyais toujours comme une passion. Comme une passion, ouais. Et puis après, j'ai compris que finalement, eux attendaient plus. Et c'est vrai que là, j'avais un petit peu du mal aussi à suivre, quoi. C'est pas évident tout concilier et de retrouver l'équilibre. Okay. Mais tu as bien réagi quand même. Je veux dire, voilà, après, bon, au début, c'est vrai, on pourrait peut-être être emporté un petit peu par le succès, tout ça, je veux dire, on pourrait être emporté, mais je veux dire, là, tu as bien réagi, peut-être, en disant, voilà. Après, c'est vrai que c'est ma vision. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas tout le monde qui réagirait peut-être de la même manière, et puis, finalement, chacun fait son choix, et je comprends chaque choix. Moi, je connais des artistes qui ont pris le chemin de la musique et qui ont fait que ça, et qui, aujourd'hui, s'en sortent très bien, et il y en a d'autres qui s'en sortent moins bien, mais après, si on peut rebondir sur autre chose, ça va très bien. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours voulu garder ça comme une passion, mais quand je le fais, j'aime bien le faire correctement quand même, faire de façon professionnellement, tout en restant passionné par ce que je fais, c'est comme ça que j'aime la musique. Et puis c'est une façon aussi peut-être aussi de le faire ressentir au public aussi, quand tu es sur scène et tout. Ah oui, forcément. C'est vrai que quand on vit passionné, quand on vit comme ça, je pense que c'est bien. Peut-être qu'il y a une retenue, enfin je sais pas, quand t'as des producteurs qui sont derrière, je sais pas, comme tu dis, la pression, tout ça, etc. Ouais. Après, est-ce que ça se ressent Je sais pas. Quand même, parce qu'il y a des choses où on se dit, est-ce qu'on peut le dire D'accord. Quand t'es en chemin avec une maison de disques, t'es souvent très observé, que ce soit à la télé ou peu importe. Je me souviendrai toujours d'une émission télé où c'était assez fatigant. Au bout de X émissions, à un moment donné, forcément t'es un peu moins dans tes baskets, quoi. Après t'as les critiques. Pourquoi si, pourquoi ça? On est tous humains. C'est vrai que du coup on se sent des fois un peu plus bloqué. C'est comme sur les réseaux sociaux, on peut pas dire ce qu'on veut. Et puis là. Mais là c'est bon donc, là comme ça c'est plus tranquille. On sent bien dans ta façon de nous expliquer tout ça, et à part on te sent rayonnant, enfin moi j'ai déjà l'impression là, bon comme on a dit, on s'est vu tout à l'heure. c'est vrai que les gens il y a une décontraction, comme tu disais, mais il faut faire les choses correctement, mais ça n'empêche pas, je veux dire, voilà, mais c'est j'ai des fois eu des artistes que j'ai vus par téléphone qui étaient beaucoup plus c'est pour ça que je posais la question. Est-ce qu'ils sont pris par la production, etc., donc qui étaient beaucoup plus un petit peu plus fermés, tu vois, c'était un petit peu plus difficile à gérer au niveau de... Avec Warner, ça se gère comme une entreprise. Il y avait une personne qui s'occupait que de la télé, une personne qui s'occupait des radios, du marketing digital, donc chacun a ses fonctions. Chacun a ses fonctions, si tu veux. Chacun défend ses fonctions aussi, vrai que du coup l'artiste, si tu veux, il est obligé d'obéir, entre guillemets, à ce qu'on lui impose, plus ou moins. Et les gens ne voient pas forcément l'envers du décor de cette manière-là. C'est l'occasion des interviews d'en parler un petit peu. Bien sûr. Alors on va écouter un troisième titre. Donc ce titre a été clippé. Enfin, tu as fait un clip. Un clip. C'est bien ça devant moi. C'est bien cela. On a tourné un clip en Italie justement au lac de Garde. Lac de Garde, d'accord. D'ailleurs, si les auditeurs veulent le voir, ils peuvent aller sur ma page Facebook ou sur YouTube. Vous tapez Tom Matisse devant moi par exemple et vous trouvez les images. D'accord. Ok. Alors on écoute devant moi. Parfait. Thank you. un ailleurs qui nous attend. C'est du mystère qui prend son temps. Une porte ouverte en grand sur l'univers. Demain, c'est des promesses de liberté, des joies de peine à se donner, des sentiments qui nous poussent vers l'avant. Je l'attendais patiemment. Grandir, je sais, prend du temps. Devant moi, des ombres et des lumières, mais la vie me montrera le chemin qui reste à faire. Devant moi, l'océan s'est ouvert. Je sais qu'il me portera. L'avenir se libère. Demain, c'est un Paris qui nous ressemble. Des ponts à élever ensemble. Des pas à faire et des mains qui se serrent. Demain ne sera pas toujours léger, tout autant d'efforts que d'effets. Mais le bonheur se construit heure par heure. Il est présent tous les jours. C'est maintenant. Reste à faire. Devant moi, l'océan s'est ouvert. Je sais qu'il me portera. L'avenir se libère. Des ombres et des lumières, mais la vie me montrera le chemin qui reste à faire. Devant moi, l'océan s'est ouvert. Je sais qui me portera. L'avenir se libère. Voilà, devant moi, donc, de Tom Matisse, qui est avec nous cet après-midi dans les années bonheur sur notre radio, Radio Gemozo. Voilà, nous sommes avec, avec Tom. Il fait beau, il fait chaud, nous avons de la belle musique, c'est du bonheur. C'est vrai. Voilà. Alors, Tom, donc, alors, tu chantes, voilà, tu chantes bien. Merci. Bien. Non, non, mais c'est sincère. Et je veux dire, donc, est-ce que tu composes, tu écris, comment ça se passe? Ouais, bah donc tous les titres français, si vous voulez, ou si tu veux, pardon. C'est vrai que je parle aux, oui, je parle aussi aux auditeurs. Oui. Pas de problème. Bah, je les ai composés, quoi. Donc si tu veux, le tout dernier album, donc Coup de foudre à Paris, qui est sorti le 1er mai. Donc c'est un album qui se compose de 15 titres, donc de variétés françaises, oui, que j'ai composé personnellement, du coup, quoi. Ouais. D'accord. Donc la partie musicale. La partie musicale. Je travaille avec des auteurs. Ouais. Que je salue d'ailleurs et que je remercie beaucoup, qui m'ont aidé à développer ce projet-là aussi. Il y a notamment Isabelle Gabel qui vient du coin de chez nous. Oui. Il y a sur la région parisienne Chris Sheldon. Il y a également sur la Poitou-Charentes Thierry Brenner. Ah voilà. J'y pensais. Vas-y, je te laisse, vas-y, continue. Et j'ai encore chez nous dans le coin Jean-Baptiste Merciol, Les Saradi. Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Qui m'en écrit. Dans ces quatre auteurs que tu viens de citer, donc, je connais bien Thierry Brenner, en fait. Voilà. D'accord. Bon, Thierry était sur l'Alsace il y a de nombreuses années, il était sur l'Alsace, Thierry. Mmh. J'ai collaboré sur plusieurs projets. Ouais. D'accord. Et puis, donc, maintenant, il est dans, je ne sais plus trop dans quelle région. Bon, Thierry, Charente, si tu nous écoutes, on te fait des bisous parce que voilà, je sais que Thierry, il écoute assez souvent. Oui, Poitou-Charentes, c'est ça. Alors avec Thierry, j'ai une petite anecdote. Hein. Voilà, je fais une petite aparté, mais j'ai déjà dit. Mais donc, donc Thierry, mon petit EP que j'ai fait, le dernier, c'est sur des paroles de Thierry. Ah, d'accord. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris à faire connaissance avec Thierry plus. Voilà, et on a beaucoup échangé. Et c'était donc, c'était l'année dernière ou il y a 2 ans. Ça passe vite. C'est vrai que ça passe vite. Et donc, j'ai invité Thierry, on a fait une émission tous les deux. Enfin, tous les deux, on a fait une émission ensemble. Et puis, moi, ce que j'avais envie, c'est que j'avais envie d'inviter un auteur qui nous parle du métier d'auteur. J'ai eu beaucoup d'artistes et c'est un plaisir. Mais là, c'est vrai qu'avec Thierry, on avait fait une belle émission. Et puis il m'a mis en contact, Thierry, avec des artistes. Et alors ça, c'était au mois de septembre. Et je crois que j'ai dû finir l'année avec tous des chanteurs, des artistes de Thierry, enfin, qui avaient travaillé avec Thierry. Avec Thierry. Tu vois. Bah, voilà. Et voilà, aujourd'hui, je suis avec Tom. Et puis on parle de Thierry. On parle de Thierry, voilà. Non, mais il écrit très bien, il a du talent. Des nombreux textes. On avait travaillé, si tu veux, avant que je compose mon propre album, j'avais composé aussi pour nous. Donc, je jouais dans l'orchestre Santa Rosa juste avant. Et j'avais composé. Oui, Santa Rosa, tu as joué dans l'orchestre Santa Rosa. Ils sont toujours là, Santa Rosa. Ouais, toujours là. Ah ouais, ok. J'ai fait pas mal de. Ouais. Bah, avec eux, je faisais pas mal de reprises de Sweet People, etc. J'ai composé quelques titres aussi sur le dernier album, mais Thierry Brenner avait fait les. D'accord, textes. Ouais, parce que j'ai eu l'occasion de. Enfin, pas de les rencontrer, mais j'étais en balade en Alsace. Comme je disais, je vais souvent à Colmar, on aime bien, c'est une belle ville. Et puis, il y avait un marché, quoi, le marché de la ville, quoi. Enfin, et puis je suis tombé devant un monsieur qui vendait des CD, quoi. Et puis voilà, donc J'étais un peu dessus, comme ça, certainement. C'est comme ça que j'ai connu Santa Rosa. D'accord. Ouais, et puis il y avait aussi, c'est une autre chose, Duo Tendance, ça te parle? Ouais, de nom, ouais. Alors, j'arrive pas à mettre de visage sur le nom, mais ça me parle. C'est pas grave, mais Santa Rosa, ok, oui, c'est. Bah, Santa Rosa. J'ai bien aimé, c'était bien. C'est eux qui m'ont poussé. Si tu veux, j'ai fait 2 orchestres à l'époque. J'avais commencé avec les Coys en 2000. Oh, j'avais 17 ans. Je venais d'avoir 18 ans pour le premier bal, en fait. À mes 18 ans, c'était la réponse du permis, si j'avais le droit, si j'avais le droit de rouler ou pas. Et le soir même, c'était le premier feu de la Saint-Jean. D'accord. Pour l'anecdote. Et donc, j'ai commencé avec eux, mais plutôt en tant que musicien. Le chant, c'était pas forcément. Y avait d'autres chanteurs, et c'était pas forcément souhaité à ce moment-là. À ce moment-là, d'accord. Voilà, et puis c'est seulement plus tard, donc quelques années plus tard, que j'ai intégré donc Santa Rosa, et c'est eux qui m'ont poussé, si tu veux, à chanter. Oui, d'accord. Ouais. Donc c'est comme ça que j'ai appris le chant, quoi. Ouais, d'accord. À travers eux, ouais. Mais autrement, est-ce que tu as fait des cours de chant, enfin, avec un professeur de chant, je veux dire. J'avais fait, mais plutôt pour la partie technique. Donc c'était un professeur de chant, mais lyrique. Oui. Donc c'était plus pour la gestion. Mais c'est vrai que la gestion du souffle dans le chant, elle ressemble beaucoup à la clarinette, hein, si tu veux. Ah d'accord, ok. Donc c'était plus pour ça et la technique, quoi. Après, c'est vrai que j'ai appris. Mais bon, ce serait pas mal de faire de temps en temps un cours de chant pour un peu améliorer certaines choses. Parce qu'on prend des habitudes aussi. Peut-être aussi, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que. Mais bon, après, c'est vrai que faut trouver le temps aussi. Mais après, c'est surtout l'entraînement sur scène, en fait, hein, qui m'a musclé, si tu veux, les cordes vocales aussi. Hein, bien sûr, pour tenir. Et puis, les cours de chant, j'avais pris 2 ans à peu près. Un petit peu de temps en temps, quoi. C'était plutôt pour la gestion du souffle. Surtout, du souffle, c'est ça, voilà. C'est et ça qui la technique de grimpe, quoi. Ouais. D'accord, D'accord. Alors après, Tom, on n'a pas parlé aussi de... Comment je voulais dire de... Je suis en train de regarder... Sur ta bio, là. Ouais, tu l'as imprimé du site, tiens. Donc, comment je veux dire, tu aimes aussi... Oh, je vois ça, moi. La comédie, parler de la, on a parlé de la comédie. Musicale. Musicale. Ah, ouais. Hein, voilà. Ouais, ça, c'était peux nous en dire un petit challenge, mot, ouais, justement. Ouais, bah, en fait, ouais, si tu veux, que... l'orchestre... je suis devenu papa. Alors, du ouais. coup, pendant un an, j'ai continué l'orchestre. Et puis, je voyais après que c'était pas évident, quand même, de gérer la vie de famille et retrouver l'équilibre. Donc, je me suis reposé des questions. Et puis, finalement, j'ai décidé d'arrêter l'orchestre pour me consacrer plus à ma vie de famille. Oui. Mmh. Et puis, j'avais pas forcément de projet en tête. Si ce n'est que j'aime toujours les challenges. Et puis, en fait, par hasard, alors, je sais pas si c'est le destin qui a fait les choses, mais sur Internet, on m'a contacté pour faire une comédie musicale. Oui. Et ça tombait juste bien, parce que finalement c'était un bon équilibre pour moi. La comédie musicale, c'était des prestations, si tu veux, dans les casinos barrières en Alsace. Ah oui, ok, d'accord, ouais, je connais. Ouais. Donc c'était du dîner-spectacle. Donc les gens venaient pour les fêtes de Noël essentiellement, et puis après il y avait une heure de spectacle. Donc d'accord. Moi ça me permettait, si tu veux, de répéter tranquillement quand je pouvais. Oui. Parce que chacun en fait répétait un petit peu ses parties dans la comédie musicale. Et après j'avais un coaching avec Franck Cherbourne et Claire Capelletti. Je sais pas si vous connaissez ou si tu connais. Alors Franck Cherbourne, il a fait Starmania, quand même. Okay. Et Claire Capelletti a fait Notre-Dame de Paris. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'est quand même des grands, des grands noms. Ils ont fait pas mal de choses dans ce milieu-là. Et puis après, ils étaient de nombreuses années, si tu veux, à Kerviller. À Kerviller, Royal Palace. Oui. Palace, oui, si c'est ça, ouais, le palace de Kerviller, oui. Il y a toujours beaucoup de monde et c'est toujours bien rempli. Bien rempli, d'ailleurs pas mal de spectacles dans le Schlager, quoi, ces derniers temps. Et donc c'est eux, si tu veux, ils habitent Ingviller, qui ont lancé ce spectacle-là. Donc c'était pendant un an, donc au Casino Barrière, et j'ai accepté. Alors au début j'avais un peu peur quand même de le faire, parce que la comédie musicale c'est quand même, c'est un peu plus spécial, c'est plus complet, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que la comédie, j'en avais jamais fait sur scène. D'accord, ouais. Donc il y avait le chant, il y a le texte, il n'y a pas de prompteur non plus. Oui. Donc c'est tout dans la tête. Il y a le placement sur scène, bien sûr, qui est très important. Il y a la danse, qui est importante aussi. Il y a le jeu de rôle avec la partenaire plutôt. Et c'est très complet, quoi. Et donc je me suis fixé ce challenge. Et, donc j'avais fait ça une première comédie musicale. Et puis une seconde comédie musicale, c'était la représentation de Disney, La Belle et la Bête. D'accord. Et ça, on l'avait fait au théâtre de Haguenau, et c'était pour la bonne cause, et c'est pour ça que j'ai accepté de le faire aussi. C'était justement, on a reversé les fonds aux enfants, à des enfants malades, pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Ouais. Donc il y avait des rêves comme aller au Disneyland, passer une journée avec eux au Europa Park, ou des choses comme ça, quoi. Et c'est comme ça qu'on a. Alors ça, je l'ai fait, du coup, j'ai fait 2 années. Ouais. Ouais, d'accord. Et je veux dire, c'est. Quand tu fais ça devant des personnes, parce qu'il y a les personnes là qui sont là, mais qui mangent, qui sont là, je veux dire, quand tu... C'était des soirées avec repas, enfin je veux dire des... Alors, la première comédie musicale, oui. Donc si tu veux, c'était dîner-spectacle. Ouais. Donc c'était essentiellement des comités d'entreprise ou des groupes, quoi, qui faisaient leur fête de Noël. Ouais. Et c'est pas trop difficile, alors je veux dire, parce que... Alors je sais pas, tu vas me dire, mais parce que moi j'ai vu quelquefois des artistes comme ça qui font des dîners-spectacles. Alors après, ça vient peut-être aussi de l'organisation, bien sûr, mais je veux dire, quand les gens mangent, si l'artiste chante, je ne sais pas si c'est perçu pareil. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu alors, c'était penses. Après le repas. Alors après, il y a peut-être une autre. Voilà, c'était après une autre organisation, je pense. Si tu veux, il y avait les gens venaient au casino, donc l'idée, c'était ils prenaient l'apéro devant, ensuite ils mangeaient dans la salle et nous, on intervenait après le repas. D'accord, ok. Après le dessert, il y avait le show, et c'est vrai que le show était très bien monté aussi, assez impressionnant quand même, parce que finalement, on n'a pas beaucoup, c'est pas des grosses scènes dans les casinos, souvent c'est peu de place, quoi. Donc si on monte une comédie musicale, on n'a pas de place pour du décor, donc tout était en panneau LED, donc rétro-éclairé, donc c'était vraiment très impressionnant avec des films, etc. Et donc sur un petit espace, on a réussi à appâter les gens et ils étaient vraiment très accrocheurs. Et puis après ce spectacle là ils retournaient, si tu veux, jouer au casino, donc c'était bien monté, quoi. Bien sûr. Et après la deuxième comédie musicale, c'était différent, il n'y avait pas le repas, c'était dans le théâtre à Haguenau. Ouais. Donc c'était 6 représentations en 2 jours. Donc c'était sport. Ah ouais. Oui, c'est sûr que là, avec toutes les répètes générales et tout. Mais c'était génial. Combien de personnes sur scène, enfin, par exemple à Agneau là, sur ce spectacle? Alors à Agneau, on était très nombreux. Il y avait beaucoup de bénévoles et on était, je pense, une quarantaine sur scène quand même. Ouais, mais c'était complètement un autre concept en fait, si tu veux, par rapport à la première comédie musicale. Ouais. On était que 5-6 la première, avec des danseuses, chanteuses, chanteurs et décor en panneau LED. Alors que là, on était sur du décor réel au théâtre. On avait la possibilité de le faire aussi avec des écoles de danse qui intervenaient, etc. Après, les rôles principaux, ben, y avait La Belle, La Bête, Gaston. Moi, je jouais Gaston. Enfin, ouais, y avait 5-6 rôles principaux. Et les autres étaient plus des intervenants, oui, on va dire, quoi, des villageois, des danseurs, ouais, figurants, on peut dire des figurants comme ça. Ouais, ouais, d'accord, ok. Ouais. Donc c'est vrai que là, les billets en plus étaient vendus en peu de temps. Hein. Les 6 dates étaient pleines, théâtre était plein à craquer. Puis je pense que ça marche toujours bien dans les casinos barrières, tout ça, ça marche bien. Ouais. J'ai eu l'occasion de voir des spectacles aussi dans la région. Enfin, c'est peut-être pas barrière dans la région, mais enfin. Ça marche toujours bien dans ce genre d'établissement, on va dire. Ouais. Ouais, des showcases aussi. Ouais, ils ont des salles intimistes ou des salles un peu plus grandes, mais c'est vrai que c'est toujours sympa. C'est intéressant. Notamment, je sais pas, Vittel aussi, il y a une belle salle là-bas. Bon, ça, c'est dans les Vosges, hein, c'est chez nous. Et c'est sympa, quoi. C'est vrai qu'il y a des beaux artistes qui sont produits là-bas aussi. Voilà, quoi. Alors tout ça pendant, ça s'est passé combien d'années, Tom, tu me l'as peut-être dit, mais je ne sais pas si j'ai fait. Non, c'était pas de problème, c'était pendant 2 ans. Pendant 2 ans, d'accord. Ouais. Et après, en fait, si tu veux, les programmations des casinos, ils cherchent aussi à changer tous les ans. Oui, oui, bien pour sûr. Pour les dîners spectacles. Oui. Donc, ouais, je comprends bien, si tu veux, l'année suivante, il y avait un magicien. Ouais. Une autre année, il y avait tous les ans, il y avait autre chose, quoi. D'accord. Donc, ok. Alors, on s'écoute une autre chanson donc de l'album Coup de foudre à Paris. En entier. Et là, on va écouter « Ne perds jamais ton insouciance ». Ouais, parfait. Voilà, merci. Saisir toutes tes chances, ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance. D'un monde meilleur, l'espoir d'un monde meilleur. Apprends à saisir toutes les chances, ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance et n'abandonne pas ce vent de liberté. Toutes les chances. ne perds jamais ton insouciance. Non, ne regrette rien si tu l'as décidé. Si dans la vie tout recommence, n'oublie pas de te faire confiance. Voilà, ne perds jamais ton insouciance, Tom. Ouais. Enfin, toi, pas à toi, mais. Ne perds jamais ton insouciance. J'ai bien aimé cette chanson-là. Et là, c'est sur des paroles de. C'est Isabelle Gamel qui d'accord, écrit ces textes-là. Okay. D'accord, ok. Je sais pas si t'avais vu d'ailleurs, j'avais. Pardon, j'avais fait une petite vidéo live sur Facebook. Là. Ah, oui, oui, d'accord. Donc, oui, là, on en parlait justement. Bah en fait, je salue d'ailleurs qui habite pas très loin, je crois que Nancy, c'est... Ouais, Nancy, on est à 90 km de Nancy, une heure de okay. Nancy. Ouais, j'étais allé à l'hôpital de Nancy, à l'hôpital enfants de Nancy, où j'avais chanté ce titre a cappella avec la guitare, si certains d'entre vous l'ont peut-être vu. En tout cas, elle était vue 100 000 fois, je crois. C'est vrai. L'idée, c'était justement de soutenir Maëlie, et d'ailleurs que je salue Maëlie et sa famille, sa maman Steph. Donc elle allait se faire opérer parce qu'elle est atteinte d'une maladie quand même très grave. Donc moi, ce que je voulais, c'était la soutenir et puis l'aider là-dedans. Et puis tous les commentaires lui ont permis quand même de lui donner le sourire et c'est ce qui me fait le plus plaisir. Bien sûr, c'est beau. C'est vrai que si on peut transmettre cet amour, il faut le faire. Bien sûr, ouais, ça fait du bien, c'est vrai. Les enfants qui sont dans les hôpitaux et. Et bon, tu m'as montré pendant la chanson, le petit extrait rapide. Ça doit pas être évident, hein, je veux dire, ça doit être émouvant quand oui, même. Oui, c'est hein, très c'est, émouvant. Voilà, ça doit être. Ça prend. Mais bon, après, c'est bien. Ouais, c'est bien, mais on sent chez toi une grande sensibilité aussi, je sais pas si je me trompe. C'est juste. Ah, c'est juste. Des fois un peu trop sensible. Mais bon. Et c'est vrai. Je reparle vite fait comme ça devant donc d'Isabelle Aubray. je dis mais c'est une dame, c'est pareil, elle a avec ses chansons, ses textes, ses paroles, la façon dont elle s'exprime et tout. Je veux dire, il y a un moment même en radio, enfin je l'avais vue sur scène, tu vois. Bon là je fais une toute petite aparté, mais parce qu'on parle de ça. Mais même en radio, tu vois, je lui dis, à certains moments j'avais aussi des frissons. Voilà quoi. Mais c'est bien, c'est du bonheur. C'est comme ça. On vit comme on est. Bah, exactement. Puis il faut rien changer. Ouais. Hein, c'est vrai, il faut pas. Voilà. Alors, donc on a cet album Coup de foudre à Paris. Donc, des autres projets ou alors bon, des scènes qui vont suivre, des concerts. Peut-être tu as déjà fait pour présenter cet album. Bah ouais. Voilà. Bah là, je sais pas si tu avais vu, on a fait un clip. On a pris un des titres de l'album qui s'appelait Viva la Fiesta. Oui, j'avais vu. Ouais. En fait, si tu veux, il y a un gros festival chez nous en Alsace à Sebar qui s'appelle la Streichelhochzeit. Si tu veux, c'est encore un mariage dans le temps. D'accord. On reprend cette tradition. Ouais, ok, d'accord. Et c'est vraiment génial d'ailleurs. Si tu veux faire un tour, c'est plus de 20 000 spectateurs sur 3 jours, quoi. Hein. D'accord. Le 20 en juillet, le 21, 22, 23, un truc comme ça. Ils ont beaucoup de encore de belles traditions d'Alsace, hein, comme ça, qu'il y ait des belles fêtes. Il y a encore des belles fêtes. Il y a encore des belles fêtes. Et là, en l'occurrence, c'est magnifique parce qu'ils ouvrent, en fait, si tu veux, c'est un village très typique, beaucoup de maisons alsaciennes, et ils ouvrent les cours, en fait. Et dans chaque cours, t'as des spécialités culinaires, t'as des spécialités. Des tableaux d'Alsace, d'accord. Enfin, c'est vraiment très sympa. Et je serai en concert là-bas justement le 21 et 22 juillet. Ouais. Donc il y a ça. Et on a tourné le clip. Donc justement, le clip est visible aussi. Et on a rechangé les textes, si tu veux, de Viva la Fiesta avec l'organisateur de ce festival. C'est lui qui a été auteur du coup des textes et qui résume en fait les festivités. D'accord. Et c'est pour annoncer cette fête-là. Oui, j'avais vu ça, puis vous avez, il y a pas mal de monde derrière toi. Ah oui, en costume traditionnel. En costume traditionnel, tout ça, ouais, c'est exact. Au 21 et 22 juillet, tu me rappelles, là, ou tu nous rappelles aussi ouais. pour eux. Alors, le 21 juillet, ouais. je serai... Ben, alors, ce festival-là, c'est à 23h en concert, et le 22 à 19h. Le 21 juillet... Pardon, excuse-moi, c'est donc dans quelle ville ? C'est à Sebach. Sebach, c'est S2E, B-A-C-H. B-A-C-H. Ouais. Ok. S-E-E-B-A-C-H. B-A-C-H, d'accord. Et le même jour, le 21 juillet, je serai à 20h aussi, à un gros open air à Schirein. C'est en Alsace, c'est ça. Alors, excuse-moi, non, mais je rigole pas. Je ne me moque pas des Alsaciens. Parce que je sais qu'il y a des Alsaciennes qui m'écoutent, là. Ah non. Si, il y en a qui écoutent. Je sais qu'il y en a qui écoutent. Non, on se moque pas. On ne se moque pas. Non, mais je vais te dire pourquoi. C'est parce que, bon, je l'ai déjà dit, mais comme je dis, c'est vrai, on se répète en radio. Mais bon, c'est pas parce que j'ai des problèmes, hein, c'est pas ça. Ma collègue aussi, Mado, le dit souvent, on se répète en radio. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai eu l'occasion de recevoir un artiste par téléphone, Michel Monaco, qui était venu chanter en Alsace. Et donc, voilà, je l'avais eu, on avait parlé, on parlait de ses concerts en Alsace, tout ça. Il avait un petit peu de mal à prononcer les noms alsaciens. Alors, on a ri, mais c'était pas du tout pour se moquer. Parce que moi, j'ai de la famille en Alsace aussi, tout ça. Alors, mesdames qui nous écoutez en Alsace, on ne se moque pas. Voilà. Ah non. Mais si jamais c'est compliqué l'Alsace, je fais des concerts aussi dans d'autres régions. Non, mais j'ai une très bonne nouvelle. Donc, cette ville de Sebach, ouais, ça se trouve alors près de quelle grande ville ou juste... Si tu veux, entre Haguenau et Wissembourg, d'accord, ok. Ouais. Et Schirein, donc ce sera le même jour, il y aura trois concerts ce week-end-là, ça va être dynamique. Ouais. Schirein, c'est à quelques kilomètres, c'est un gros open air où il y a 5000 personnes. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est à une vingtaine de minutes de Sebach, à peu près. D'accord, ok. Et après, je serai là, juste la semaine après, le mercredi 25, je serai au théâtre de Verdure dans le Gard. Ah oui, alors cette semaine beaucoup plus bas, bien sûr. Hein, ouais. Ouais. Alors tu nous parlais tout à l'heure donc que tu as un travail quand même. Hein, voilà, comment tu arrives à concilier C'est pas toujours évident. Mais j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance de pouvoir faire. Finalement, en fait, depuis la sortie de l'album, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de travail pour ma carrière aussi en parallèle. Parce oui. Il y a tous les mails à traiter, il y a les contacts des organisateurs, etc. Enfin, toute cette partie-là aussi administrative que je gère moi-même. Mmh. Et donc, j'ai réussi à me libérer le mercredi. Donc, tous les mercredis, tu es tranquille. Ouais. Ça me permet de faire des interviews, ça me permet de préparer mes programmes musicaux, etc. Voilà, quoi. C'est pour ça qu'on rappelle que tu es là aujourd'hui, samedi. Hein, on n'aurait pas pu faire. Ouais. Puis bon, je pense que. On n'aurait pas pu faire en semaine, on n'aurait pas pu faire le jeudi comme je fais avec tes kilomètres. Mais c'est avec grand plaisir ouais. hein, que je te reçois aujourd'hui, qu'on Merci. Te reçoit toute l'équipe. Donc aujourd'hui samedi, voilà. Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours évident de Bah avec le trajet au travail, ouais. C'est ça aussi, ouais, c'est clair. C'est, on essaye de concilier les choses, quoi. Bien sûr. Alors, donc oui, on a parlé des concerts, tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres ? Alors, bon, bien sûr, il faut laisser mûrir le bébé, comme on dit, le nouvel album. Bah, y a d'autres... Est-ce qu'il y a d'autres ? Ouais, est-ce que t'as d'autres ? J'ai beaucoup de chance aussi. Il y a ce projet-là, donc l'Ashtrice et l'Ortside qu'on a sorti. Oui. Il y a encore le projet de tourner encore, parce qu'à la base, je voulais tourner le clip sur Coup de Foudre à Paris, au lieu tourner sur Devant Moi, mais Coup de Foudre à Paris, je voulais le tourner absolument à Paris. Et oui, bien sûr. Et en fait, il faisait tout le temps moche, quoi. Oui, il y a une période où il pleuvait tout le temps. Et il y a eu des coup, journées, c'était pas tourner, c'était pas clip, grave, oui, bien sûr. Ouais. Sous la pluie, enfin, bien sûr, ouais. C'était pas souhaité, donc j'ai changé de plan, parce que le clip, je voulais sortir avant l'album. Bien sûr, et puis en plus, avec la mélodie de cette chanson Coup de Foudre à Paris, je veux dire, voilà... Quoi qu'on parle un petit peu de dans la, on, sur les paroles, on, ça parle il y a un petit peu de comment plus glacé. Plus, ouais. Plus ouais, glacé. On parle de plus glacé. Enfin bon, si tu fais le clip et puis qu'il flotte tout le temps, c'est pas top non plus. Enfin, s'il flotte et il fait pas trop gris, ça va. Mais s'il fait gris sombre, c'est vrai que pour la qualité de l'image ou même oui, bah, bien sûr, clip, c'est pas tout à fait, ce qui est de mieux. Donc il y a ce projet-là. Oui. Ensuite, en fin d'année, je pars en tournée aussi avec. J'ai eu beaucoup de chance. France Organisation qui m'a contacté pour faire un showcase, donc il y aura Lille, Lyon, il y a Blotzheim aussi en Alsace, il y aura certainement Nîmes l'année prochaine pour tout ce qui est en fait finale régionale des Miss France. Ah d'accord. Ouais. Et pour moi, pour me permettre de présenter justement mon album, donc il y a ça aussi fin d'année et début d'année prochaine avec certainement la télé à Nîmes l'année prochaine en octobre 2019 du coup. On parle déjà de 2019. Oui, 2019. Bah, ça va tellement vite. C'est vrai, c'est vrai qu'on se projette déjà. Oui, il faut, bien sûr. Ouais, et puis pour l'organisation, tout ça, il faut le temps aussi, bien sûr. Ça, que ça soit parfait quoi, que ça soit bien. Donc pour moi c'est vrai que c'est top. C'est du bonheur, ce que je voulais, un peu, c'est de transmettre en fait mon idée de faire ça en français, c'était aussi non seulement que je peux le faire en autonomie parce que c'est moi du coup qui compose et c'est moi qui travaille avec les paroliers directement parce qu'il y a finalement l'allemand je le parle très bien aussi, mais c'est vrai qu'il y a quand même cette barrière de la langue quoi, où on connaît pas forcément, on n'a pas le même contact quand même. Donc je peux le faire et en plus ça s'exporte sur d'autres régions, c'est ce que je voulais. C'est top. Mais est-ce que, alors je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais je veux dire, sur ton album en français, est-ce que ça serait écouté, par exemple en Allemagne, en Hollande, choses comme ça, est-ce qu'il y a des... Bah bizarrement oui, c'est bien. Oui. Non, bon, Mireille Mathieu l'avait fait aussi à l'époque. Oui, c'est vrai. j'étais aux Pays-Bas en interview sur une grosse radio, la semaine dernière, et j'étais à une émission télé aux Pays-Bas avec diffusion donc de l'émission télé aux Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Suisse, Autriche et Allemagne. Ça c'était il y a 3 semaines à peu près. Ouais. D'accord. Ça va être diffusé là prochainement. Ouais, ouais. Et puis je retourne aux Pays-Bas, je crois en octobre ou en septembre pour un concert live du coup. Et en fait, ce que me disait l'animatrice radio des Pays-Bas justement, elle m'a dit, elle est très fan ils sont très friands de tout ce qui est Schlager, parce qu'ils sont en plus à la frontière allemande, donc c'est quelque chose qu'ils écoutent beaucoup, mais elle me dit que là la conciliation si tu veux du Schlager ou ce style musical avec des textes en français, c'est... Et elle adore quoi. Mais même si elle comprend pas la langue, les lignes mélodiques qu'elle reste. Il y a la mélodie, voilà. Voilà. C'est pour ça que je te demandais ça, parce que moi je sais que on en a parlé aussi tout à l'heure. Non, mais je sais que j'aime bien la variété allemande, moi. Mmh. C'est vrai que j'ai suivi quelques artistes allemands. Mmh. Et bon, je comprends un peu l'allemand mieux que l'anglais. Et il y a la mélodie, même si je ne comprends pas tout le texte. Des chansons, mais il y a quand même la mélodie, c'est vrai que cette mélodie, je l'ai repris, si tu veux, les lignes mélodiques sont quand même similaires au style musical allemand. Mais c'était voulu, c'est parce que j'aime beaucoup cette mélodie. Bien sûr, je trouve que c'est très positif. Ouais. Et que ça ramène pas mal de bonheur, quoi. Bien sûr, c'est ce que je veux divulguer. Et puis elle me disait justement que la langue n'est pas une barrière du coup, et qu'elle appréciait énormément, que c'était quelque chose de neuf pour eux, que c'était frais comme on dit. Oui, bien sûr, je comprends bien. Malgré la langue, ça va très bien et ça passe très bien. Mmh. Bon, après, je fais quand même de l'allemand, quoi. Hein. J'essaie de concilier les deux, je souhaite quand même que si on m'accepte en télé, etc., c'est quand même de promouvoir mes nouveaux titres et c'est différent. C'est vrai que ça a bien pris aux Pays-Bas, je t'en parlais tout à l'heure, quand j'ai fait la télé aux Pays-Bas avec un public qui était live. Quand on a annoncé la partie artiste de France, etc., ils ont fait avec, malgré la langue. Donc c'est top. Je pense à un artiste, je pense que tu aimes bien, enfin on en a parlé aussi, Franck Michael, je veux dire, qui a tourné aussi un peu là-bas en Allemagne, notamment avec ce titre, Toutes les femmes sont belles, et il l'a repris, c'était repris, il l'a chanté là-bas, c'était repris par Séminor aussi, ça a été repris aussi par. Franck Michael l'a chanté en duo avec Marie Rose. Exact. Hein, Marie Rose, donc pour savoir qu'elle faisait partie de la troupe de Michel Fugain. Bon, c'est ça, c'est dans les années 70. Michel Fugain qui tournait avec sa troupe le Big Bazar. Voilà. D'accord. Je sais pas si ça se parle un petit peu. Je connais pas. Bon. Tu sais, c'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ah, tu vois un peu, oui, ça, c'est Michel Fugain. Ouais. Il était avec sa troupe le Big Bazar. Donc, dans le Big Bazar, il y avait Marie Ross, et qui est partie chanter en Allemagne aussi. Puis, donc, elle a fait ce duo avec Franck Michael. D'accord. Voilà, ouais, ouais. Donc, voilà, c'est vrai qu'ils sont, comme tu dis, ils sont friands aussi de chanteurs français, un peu, qui aussi. Oui, et même ouais, dans les galas en Alsace, si tu veux, quand on a souvent des galas avec plusieurs artistes ou n'importe. C'est vrai que même les artistes alsaciens, souvent, ils chantent de l'allemand tout le temps parce que voilà, ils sont produits par des producteurs allemands, etc. Ouais. Et le fait de venir avec du français, ben c'est innovant et puis ça change un petit peu. Quoi. Ça change un petit peu. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, on va s'écouter peut-être Chanson d'amour in Saint-Tropez. C'est ce qui a. Ben, ça, on en parlait tout à l'heure. Deuxième titre, on en parlait tout à l'heure en fin de début d'émission. C'est ce qui a lancé, si tu veux. Enfin, deuxième titre, c'était encore un titre de l'album en 2013, allemand. 2013, ouais. 2013, c'est ce qui a lancé, si tu veux, à l'émission télé dont on parlait tout à l'heure, ma carrière en Allemagne, quoi. En télécrochet. C'était ce titre. C'était ce titre-là. Ce titre-là. D'accord. Alors, on écoute. Steht mein Glück. Augen so blau wie das Meer, wie gold dein Haar. Mein Herz spürt gleich Sommerliebe, es ist wahr. Das will dir mein Chanson gestehen, dir alleine, Madeleine. Chanson. Voilà, Chanson d'amour à Saint-Tropez, Tom Matisse. Voilà, donc, sur le titre de l'album allemand. Alors, c'est pas difficile à traduire. Ah, vas-y. Chanson d'amour à Saint-Tropez. Ah. D'ailleurs, il y a une version qu'on avait fait avec Santa Rosa, justement. Ah, en oui, français. Ça... Je te l'enverrai. Ah, ouais, d'accord. Mais j'ai un album de Santa Rosa. Bon, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est vrai que quand j'étais à Colmar, tout ça, je devais trouver ça sympa, quoi. C'est vrai que. Mais tu vois, c'est drôle quand même. Le monde est petit des fois. Ah ouais, le monde est petit. Hein. Ah, c'est vrai. C'est vrai. C'est ce que je disais un petit peu tout de suite en aparté. Je veux dire, par rapport à Facebook, tu vois, tout à l'heure, on a parlé de Thierry Brenner, auteur. Je dis, voilà, des fois, il se passe quelques temps, puis tu rencontres un artiste, ou je sais pas quoi, tu dis, ah, mais oui, tiens, j'ai travaillé avec un tel, ou je connais telle personne, et finalement, je dis, voilà, on est. Enfin, pour moi, je ressens comme ça, parce que j'ai une certaine sensibilité aussi. Et je dis, on est une belle famille sur Facebook, à savoir bien gérer sa page, etc. Hein, c'est vrai, c'est important. C'est important, voilà. Et puis, voilà, parce qu'il y a des fois des choses qui sont. Voilà, c'est. Il faut bien. Bien utiliser sa page, mais après, c'est un outil formidable, je dirais, je trouve. C'est une chance, c'est un outil formidable. C'est un outil formidable pour, dans le domaine artistique. Ou, voilà, moi, ça m'a permis, si tu veux, de développer. J'étais à 3000 likes à peu près avant la sortie de Coup de Foudre à Paris. Ouais. Et finalement, on est à 9500, je crois, maintenant, avec la communication que j'ai fait auprès de mon nouveau projet. Et justement, ça m'a permis de me faire connaître, si tu veux, sur. Des gens qui écoutent la variété française parce que de nos jours c'est vrai qu'il y a peu de radios encore qui diffusent vraiment la variété Tout à fait, ouais. Et des émissions télé il y en a plus des masses. Donc, exactement, si tu veux le seul réseau où je peux me faire connaître c'est Facebook ou des radios comme la tienne Bien sûr c'est vrai que c'est ce que je disais c'est vrai qu'on entend plus beaucoup de belles chansons comme ça, enfin moi je dis de belles chansons comme ça c'est sur les radios nationales non ou peu, enfin il y en a encore mais on a parlé tout à l'heure comme ça brièvement de Franck Michael, Frédéric François, ils sont pas sur les radios nationales, on les entend pas. C'est vrai. Je veux pas dire, mais enfin ça m'arrive moi de, j'écoute pas toujours Game of Thrones. Donc ça m'arrive. Je veux dire, je les entends pas quoi. C'est vrai que c'est des programmations qui se font un siège d'une radio les listes de diffusion. C'est des gens qui remplissent des salles quoi, je veux dire. Ouais. Qui remplissent des salles. Ouais. Ils sont. Enfin, bon, Frédéric François un petit peu plus, mais bon, tu prends Franck Michael, il est très peu médiatisé, hein, je veux dire, par la presse, etc. Il s'est fait. Lui, c'était du bouche à oreille, et puis ça. C'est du réseau, c'est vrai que bon. Heureusement qu'on a Facebook maintenant. Oui, c'est vrai. Tout à fait, ouais. Et puis, non, mais c'est bien. Est-ce que je dis, moi. On parlait tout à l'heure que ça va trop vite, hein. On en a parlé tout à l'heure en début d'émission, ça va trop vite, les artistes qui arrivent, on ne les voit plus, etc. Alors, est-ce qu'il y a un effet, moi je dis, si j'aime bien un artiste, j'aime bien avoir l'album physique. Bon, c'est pareil, ça je le dis souvent, mais voilà, c'est la radio. J'aime bien avoir l'album physique de l'artiste. Bon, t'as le téléchargement légal, ok. Maintenant, t'as le streaming. Ouais. Et le streaming, moi j'ai lu sur un magazine très très sérieux sur la chanson, etc. Le streaming maintenant il passe au-dessus des téléchargements. Bah ouais. Alors, je sais pas. Après, c'est plus difficile. Paris, on a décidé de le faire qu'en physique. Pour l'instant. Moi je trouve que. C'était un choix. Parce que je pense que tu touches des générations de. Enfin, t'es fan. T'as plusieurs générations, je veux dire. Oui. Hein, t'as plusieurs générations. Ouais. Donc, dedans, il doit y avoir des générations qui achètent les CD. Oui, tout à physique. Fait. Physique. Oui, bien sûr. Ça, je trouve bien, moi. Je trouve ça bien. C'est vrai, il y a encore le. C'est sympa, la pochette, etc. Je dis maintenant, ceux qui écoutent en streaming, mais ils ont rien, quoi. Ils ont rien du tout. Avec Spotify, machin, dans le téléphone, d'accord, c'est bien. C'est bien, je dis pas, moi, ça m'arrive aussi d'écouter un peu comme ça, mais. Je veux dire, quand t'es bien un artiste, voilà quoi. Et puis bon, je le répète, c'est le générique de mon émission, de Sweet People. Je sais plus, les vinyles, donc les vinyles reviennent. Ça aussi, c'est une belle chose aussi, ça. Ouais. Voilà, c'est bon. Bah, on y revient. Moi, c'est un peu mal. Après, j'ai du côté. La seule problématique qu'on a aussi, et ce que je me suis posé quand on a. Si on ressortait les vinyles, voilà, c'est ça. Non, mais l'album en physique, si tu veux, sur les nouveaux véhicules. On n'a plus partout des lecteurs CD. Ça, c'était ma problématique. Ah oui, c'est vrai, c'est très juste. Oui, ah, oui, effectivement. Du coup, on s'est dit, est-ce qu'on le sort au moins en clé USB? Mais c'est vrai que la clé USB, après, elle n'est pas forcément protégée comme on le souhaite. Enfin, voilà, donc, il y a des risques importants. Mais c'est vrai, c'est très juste. J'avais une 308, il y a peu de temps, il n'y a plus de lecteur CD. Oui. Donc, je recevais un CD, mais je ne pouvais pas l'écouter. Ouais, bah, moi, c'est frustrant. J'ai un véhicule aussi, je n'ai plus de lecteur CD. Bah, tu vois. C'est clé USB ou alors en Bluetooth avec le téléphone. Les constructeurs, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, oui, si tu parles de ça, c'est vrai. Alors, je parlais de variété allemande, tu vois. La variété allemande, on la trouve en Alsace. Ouais, oui, non, mais je veux dire, chez nous, dans les Vosges, t'en trouves pas. Ah, oui. Tu cherches Sweet People, Sweet People, c'est un groupe suisse, mais bon, tu cherches Andy Borg, les Flippers, enfin, on a... je veux dire, dans les Vosges, tu trouves pas. Tu trouves en Alsace. Bon, alors moi, des fois, je dis pas que j'y allais exprès, mais tu sais, en été, quand on n'entendait plus grand chose chez nous, en France, enfin, je veux dire, bon, c'est vrai, l'été, c'est aussi une période où, ben voilà, c'est les vacances, les albums sortent plutôt en fin d'année, ça dépend des artistes avant ou après, voilà. Mmh. Et des fois, j'étais un petit peu frustré parce que, je me baladais en Alsace, puis paf, j'avais des. Toi, c'est là que j'ai découvert aussi de la variété allemande. Et alors voilà, pour revenir à ces fameux post-CD dans la voiture, je revenais de Colmar ou de Strasbourg, je ne sais pas, puis hop, je me mettais mon petit CD. J'étais content. Moi aussi. Maintenant, si tu te rachètes des CD, tu t'attends de rentrer à la maison. C'est ça. Et voilà. Donc, il est 17h20. Alors, on va écouter une autre chanson donc, de ton album Coup de foudre à Paris, tous les deux. Tous les deux, voilà. On écoute et puis on en reparle. Très bien. Encore un jour se lève de ce que l'on vit comme on les rêve. Il faut profiter de chaque instant pour se rappeler que l'on s'attend. Encore un pas à faire, un mur à bâtir, pierre après pierre, un défi de plus qui nous attend, et qu'on ne combat plus rien qu'en ce moment. C'est tous les deux qu'on grandit d'être ensemble. On vit bien mieux, le cœur qui se ressent. Et l'un sur l'autre penché, et l'un à l'autre condamné. C'est tous les deux comme une évidence, on avance même pas de danse. Toujours la même envie, la même direction en harmonie. Rester à portée et prendre soin de l'amour posé au creux des mains. Toujours le même effet qui nous porte à croire qu'on s'est trouvé. Et les yeux fermés, se faire confiance, sentir l'air vibrer à nos fréquences. C'est tous les deux qu'on grandit d'être ensemble. On vit bien mieux, le cœur qui se ressent. Et l'un sur l'autre penché, et l'un à l'autre condamné. C'est tous les deux comme une évidence, on avance au même pas de danse. Tous les deux qu'on grandit d'être ensemble. On vit bien mieux, le cœur qui se ressent. Et l'un sur l'autre penché, et l'un à l'autre condamné. C'est tous les deux comme une évidence, on avance au même pas. Voilà, tous les deux. c'est ça. Hein, c'est ça, Tom, voilà, qui est encore avec nous pour quelques minutes. Ça passe vite sur les ondes de Radio Gamzo. Oui, bien sûr. Le technicien, il veut y aller. Donc, alors, Tom, je te transmets encore un message. Ok. Alors, groupe, alors c'est Cassie Cassandra. Voilà. Okay. Cassie. Bonjour Cassie. Qui nous écoute. Bonjour Cassie. Coucou. Alors, gros bisous à vous deux. Quel bonheur d'avoir Tom sur les ondes de Radio Gamzo. Quel magnifique album et quel beau chemin parcouru. Merci. Depuis Chanson d'amour, In Saint-Tropez. C'est génial, à très bientôt. Voilà. Merci, merci. D'ailleurs, Cassie, bah, on en parlait juste avant, en antenne. Son nom me disait quelque chose. Et c'est vrai que si mes souvenirs sont bons, je pense que je l'ai vue chanter. Elle chante aussi, à mon avis. Cassie, j'ai eu l'occasion de voir sur Facebook qu'elle fait des chansons, des chansons allemandes. Mm-hmm. Et Cassie, d'ailleurs, elle nous écoute. Alors Cassie, tu sais que ça fait un petit moment que je t'attends pour faire un phoneur. Voilà, ouais. L'appel est lancé. Mais alors ça sera pour la rentrée. Okay. Voilà, Tom. Donc, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, de ta carrière, de ton univers musical, voilà. Et puis, moi, ce que je trouve, ce qui est bien, c'est que, voilà, c'est comme tu dis, c'est une passion. Tu as gardé ça, ça se sent, ça se voit. Non, mais c'est vrai. Si. Non, mais je veux dire, c'est. Ouais, c'est bien le cas. Il y a un sourire aussi. Bon, je le dis pour les dames, bien sûr, mais même là, je veux dire, voilà, il y a un sourire aussi. C'est. On sent que tu es bien. Enfin, moi, je te trouve bien, je veux dire, dans tes baskets, pour rigoler, mais je te trouve bien dans ce que tu fais et tout. Et la preuve, parce que voilà, les personnes qui te suivent, tous les likes qu'il y a eu sur la publication et tout ça, et voilà, tous tes fans qui te suivent, voilà, je pense que tu es sincère et voilà, et ça se sent. Et les gens, je pense, le sentent aussi, voilà. Ce que je voulais dire, moi, ce que je ressens en te recevant ici, bien sûr, avec grand plaisir. Et, merci. Et tu sais que, on est beaucoup, on est fans, même si moi je suis animateur radio, je suis fan de ces chansons-là. Je dis, on est là pour tous les artistes, bien sûr, mais j'ai des préférences, et puis ça, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Tom, écoute, je te remercie encore d'être venu dans nos studios. On va terminer, bien sûr, par une de tes chansons de ton dernier album, qui est bien, je trouve, pour la fin, qui est rythmé, entraînant, hein, voilà. Sur ce oui, Marc, tu peux, non tu... Ah, je croyais que tu voulais dire quelque chose. Donc voilà, on va se quitter sur cette chanson. Et puis je veux dire donc encore merci. Donc, j'aimerais Tom, également remercier. Je t'en prie. Ouais, tout le monde et toi aussi, hein, Gilles, merci pour l'invitation. Je salue aussi le Québec. C'est un petit peu loin, mais d'ailleurs avec le décalage horaire. Il était 8h, donc il est 9h30, si je dis pas de bêtises. Il est matinal alors. Ouais, matinal. Ok, donc pour le petit déjeuner. Voilà. Merci à tous les auditeurs. Et puis merci à tous de suivre cette aventure, parce que comme je dis toujours, c'est aussi grâce à vous que moi je peux transmettre ma passion. Bien sûr, c'est vraiment le cas. Et c'est aussi grâce au soutien des médias, des réseaux, des radios, en règle générale de tout le monde. Et puis ça fait toujours plaisir de rencontrer des gens comme toi. Et merci en tout cas pour l'accueil. C'est tout à fait idem pour moi. Je veux dire, pour nous animateurs, je veux dire, voilà, c'est un retour. Voilà, je veux dire, d'avoir des artistes comme toi, Tom. Voilà, c'est vraiment agréable. Voilà, parce que comme je dis souvent, il y en a pas beaucoup. Heureusement, c'est une minorité, mais il y en a des fois qui, déjà, même sans avoir fait ce que toi tu fais déjà, tout le parcours que tu as, il y en a des fois qui ont. Bon, le melon. ils sont rares. Bon, voilà. 2 minutes. Allez, voilà. Donc, on écoute danser toujours pour terminer. Donc, bye bye à tous, amis auditeurs, auditrices. Je vous retrouve la semaine prochaine. Bon match à tous et vive les bleus. Vive les bleus. Bye bye. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Les yeux enflammés, les mains de velours, c'est son détour de l'amour qui nous tourne autour. Les cœurs qui tapent, qui nous échappent et dansent toujours. Tout à coup le bonheur a envahi mes heures, mon esprit. J'ai su qu'à cet instant que le plus important venait d'entrer là dans ma vie. Je me suis approché par toi hypnotisé, conquis et perdu. Je t'ai offert le bras pour danser avec moi en douceur. Je t'ai tendu les bras pour faire les premiers pas dans mon cœur. Je nous vois, toi et moi, danser nuit et jour. Les corps enlacés, les yeux enflammés, les mains de velours. C'est sans détour de l'amour qui nous tourne autour. Et danse toujours. Je nous vois, toi et moi, danser nuit et jour. Les corps enlacés, les yeux enflammés, les mains de velours. C'est sans détour de l'amour qui nous tourne autour.